temps partiel requalifié en temps plein. Le salarié dont le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat à temps complet a droit au paiement du salaire correspondant au temps plein, y compris pour les périodes durant lesquelles il a exercé un autre emploi et pris un congé sans solde.